meta ti geste n'a fait ya c'est pas plat c'est naturel puisque Dieu t'a créé aussi belle avec un petit regard pour ne pas transporter sur le roue donc inconscience n'a fait tes garçons dans trans ah oui meta bébiti. La donne pour mourir.